Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, le premier podcast sur Sens de la saison, de la nouvelle saison, avec Jérôme. Jérôme, ça va la pêche ? Oui, ça va, merci. Et Adrien. Bonjour, bonjour. Lyon. Jérôme de Poitiers, Adrien de Lyon, et puis on va parler d'un truc super technique aujourd'hui. Alors on va parler des défauts du système de Sens Néant, parce que Jérôme et Adrien, et c'est pour ça qu'ils sont seuls sur ce podcast aujourd'hui, un, parce qu'ils parlent de technique et donc il faut mieux se donner la parole. Deux, parce qu'ils ont un ego surdimensionné. Et deux, parce que ce sont les seuls, surtout, à, pour le moment, avoir bien, bien avancé dans la maîtrise de Sens Néant. Là où on sait que le jeu est sorti il y a seulement, quatre ou cinq mois seulement. Donc c'est vraiment tout, tout frais. Et vous avez déjà, toi, t'as déjà fini carrément une table. Ouais, j'ai déjà fini une table et une deuxième quasiment finie. Et donc, avec ces deux personnes assez exceptionnelles de ce podcast de la cellule hebdomadaire, eh bien, qui, je le rappelle, vit grâce à vos dons PayPal. Point. Adrien Cahuzac est venu avec une série de critiques, c'est-à-dire que au sujet du système de Sens Néant et en particulier du level up. Ouais. En gros, il y a deux points que j'ai en tête, le level up et les duels de l'arme. Voilà. Et donc, alors après, il y a sans doute d'autres trucs qui me sont pas là en tête maintenant. Peut-être que ça reviendra. Je parlerai peut-être de l'acide, moi, un moment. D'accord. Okay. D'accord. Donc, oui, effectivement, duel de l'arme, valoir son coup. Ouais. Duel de l'arme, comment dire, level up, c'est-à-dire les gros personnages en termes de conflits de rayonnement. Conflits de rayonnement, au début, au milieu, à la fin, et comment ça évolue. On parlera un peu de l'acide avec Jérôme. Alors, on peut peut-être commencer d'abord par le level up et le conflit de rayonnement. Ouais, on va commencer directement par ça. Dans le vif du alors, sujet. En c'est gros, c'est une critique qui m'est venue assez tard, parce qu'en fait, j'ai eu du mal à mettre le doigt dessus. Quand on a joué à Sens Renaissance et Sens Mort, on voit que les combats sont plus rapides et plus dynamiques. Et au début de Sens Néant, c'est à peu près pareil. Et puis, quand ça continue, quand ça avance, on se rend compte que les combats deviennent plus lourds, plus difficiles à gérer. Et il m'a fallu un petit moment avant de mettre le doigt exactement dessus. Et en gros, c'est que le level up ne suit pas l'évolution. Enfin, le level up n'est pas bien équilibré. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde dans Sens Renaissance, au début, les adversaires vont avoir, 5-6 blessures mortelles encaissables. Les joueurs vont en faire une chacun à chaque touche. Ouais. Et en fin de Renaissance, les joueurs font 3-4 blessures mortelles chacun et les adversaires ont augmenté. Parce que l'armure évolue. L'armure évolue. Bon, les adversaires sont plus bourrins, du coup, ils auront 30 blessures mortelles, Mais ça équivaut toujours à peu près le même nombre de coups pris dans les dents. Ouais. Alors que là, dans Sens Néant, étant donné que c'est néant, en fonction des éléments. C'est plus le cas. Les dégâts sont de 1 à 3 en fonction des éléments. Ça bouge pas. Tandis que l'équivalent des points de vie, leur point de rayonnement, au début, ils vont affronter un arbre méchant, un incendie colérique ou que sais-je, qui va avoir 10 points de rayonnement, un truc comme ça, 20 points, mettons. Ouais. Et à la fin, quand ils s'affrontent donc, glace... Donc en gros, ça correspond à peu près à entre 3 à 6 coups pour ouais, le c'est vaincre. Ça. Hein, ouais, voilà, le premier, c'est 3 à 6 coups, un truc comme donc, ça. Donc il faut réussir à passer 6 coups, 6 passes d'armes aussi, Ça correspond à quelques tours de jeu, enfin peu importe, c'est une sorte d'échelle de durée de combat. Ouais, voilà, tu prends une table à 4, typiquement, ils vont pouvoir à peu près en 2-3 tours lui régler son compte. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voire un peu moins. Ouais. Ou un peu plus, parce qu'au début, il y en a certains qui auront des remords à taper en se disant non, mais on peut essayer de le convaincre. Oui, puis bon, voilà. Certains qui seront plus faibles aussi et qui pourront pas quand même malgré tout passer à difficulté. Mais n'empêche qu'on a une échelle de tours de combat qui va être 2-3-4 tours. Ouais. Tandis que quand on évolue, on fait toujours les mêmes blessures et les adversaires deviennent de plus en plus balèzes. Juste rapidement, pour préciser, c'est que les blessures sont issues des éléments qu'on utilise. Ouais. Un septentrien d'eau qui blesse un septentrien de feu fait 3 blessures. C'est le maximum qu'on puisse faire parce que les éléments sont éléments opposés. Voilà. L'eau contre la terre, ce sont des éléments neutres. Donc ça fait jusqu'à 2 blessures, parce qu'on peut aussi choisir d'en faire moins. On peut choisir de jauger sa force. Et deux éléments identiques, l'eau contre l'eau, c'est une blessure. Donc, en fait, ces blessures sont fixes. Et ça va être tout le problème que tu vas soulever. Ouais. Parce qu'on va partir le cas extrême, c'est qu'on arrive à la fin de Néant et on doit, par exemple, affronter Glace ou affronter Bop ou Windales ou un Nutrima. Et eux, si on évalue leur miroir, grosso modo, ils ont, ils ont minimum 100 dans chaque élément. En moyenne. Ouais. Donc ça fait dans les 60 points de rayonnement. Alors quand tu regardes les runes plus leur arme. quand tu regardes les runes de sens dans Sens, les incarnations personnelles des runes, je ne sais plus combien de points ils ont à répartir, c'est 600 je crois. Ouais, ils ont dans les 600 points à répartir, ouais, donc les Utrima doivent avoir dans les mêmes eaux, voilà, donc ça fait 60 points de rayonnement à peu près, ouais, ouais. Sachant qu'en plus ils ont leurs armes. Tout à fait. Les armes des maîtres irritants, c'est de l'ordre de 300 points je crois, il me semble, ouais, de souvenir. Plus de 250 en tout ouais. cas. Et si on prend du coup, on se dit, l'Utrima il a une arme équivalente, même si ce n'est pas sa rune, il a quand même une arme avec lui. Ça fait un total de points de rayonnement qui est absolument scandaleux, voilà, qui est super élevé. Et les golems vont continuer à taper à coups de 1, 2 ou 3. Ouais. Donc, si on prend un Utrima à poil qui a 60. Et là, le combat peut potentiellement durer 20 tours de jeu, ce qui est juste impossible, c'est-à-dire que ça prend la soirée. C'est super long. Ouais. Et donc là, ça devient des combats qui sont. Très vite, on fait vous avez échangé quelques coups, et puis on va passer en mode cinématique où on accélère la fin et vous finissez par gagner. Et du coup, c'est quelque chose de frustrant qui est, on n'a pas gagné le combat, on l'a accéléré, voilà. Ah, voilà, c'est ça. On devait gagner, donc on gagne. Donc, en fait, au niveau du joueur, ils n'ont pas l'impression d'avoir arraché une victoire. Ouais. Ils ont l'impression d'avoir joué une scène qu'il fallait jouer pour gagner à la fin parce que c'était écrit tel quel. Alors qu'en fait, il y a des combats qui vont être perdus contre Glace. Pourquoi Glace devrait perdre? Il n'y a pas de raison. Ouais. C'est juste qu'au bout d'un moment, en tant que MJ, on est lassé de jouer ce combat qui est sans fin. Parce que Glace aussi leur fout des tatanes, donc c'est même pas une boucle bloquée. Ouais. Mais au bout d'un moment, on dit bon. Non, moi, voilà. J'avais tendance à juger, mais alors je suis surpris, c'est pas dans la base cette histoire de une fois que le combat, une fois qu'on obtient une boucle en fait en combat qui est réussie pour les joueurs, on met directement fin au conflit. Il me semble pas. Alors moi j'en ai pas souvenir et pourtant je l'ai lu un paquet de fois le bouquin. Ouais, ouais. Alors. Après, c'est un truc qui me viendrait en tête naturellement. Le problème, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple de Glace, elle a des scores suffisamment monstrueux pour toucher à tous les tours. Ouais. Du coup, en fait, c'est un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. Mmh. Ils ont beau être 6, ils ne peuvent pas gagner parce que le mécanisme vont leur permettre de toucher avec les points d'immersion, avec le fait de s'aider mutuellement parce qu'ils se sont apprivoisés les uns les autres, donc ils vont pouvoir toucher sans problème. Par contre, ils ne vont pas pouvoir se protéger. Et chaque tour, ils vont se prendre des pains de 1 à 3. Le problème, c'est qu'ils ont moins de points de rayonnement et qu'ils vont finir par perdre, forcément. Enfin, d'un point de vue mathématique, c'est quasiment forcé. D'accord. Et du coup. Donc là, c'est une grosse lacune quand même du système de résolution. C'est une lacune du système de résolution. Alors après, je pense que tu vas très bien justifier pourquoi. C'est que ça a été testé. Je ne vais pas justifier, je vais expliquer pourquoi. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y a pas de justification. C'est une véritable erreur. C'est disons que en gros, pour le dire, c'est que le système a été testé dans une ancienne version. Tout à fait. En fait, il a évolué et vous n'avez pas eu le temps de tester le au bout. Alors c'est pas qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une grande campagne. C'est-à-dire si je voulais que le jeu sorte, il fallait que donc j'ai joué en marathon avec toi, tu te souviens ? On a eu l'occasion de faire toute la campagne, mais on n'a pas eu l'occasion de tester vraiment sur la durée au sens pendant un an on va jouer à Sens Néant. Tu vois ce que je veux dire ? On a eu l'occasion de le faire, évidemment. On a fait, je vous rappelle que la campagne a été jouée à Rennes et à Saint-Malo par deux tables différentes. Et donc là, du coup, on a joué l'histoire. On a eu le temps de tester l'histoire. On a eu le temps d'en tester la cohérence, les personnages, de tout l'aspect historique en fait du jeu. Mais le nouveau système de résolution, qui est celui de Sens Renaissance, Sens Mort, avec cette fameux système de pourcentage, n'a pas été testé à ce moment-là. On l'a testé qu'à Saint-Malo seulement, pas à Rennes. Ah, parce qu'à Rennes, on jouait au D12, pour tout vous dire. Voilà. Donc du coup, le système n'a été testé qu'une seule fois. Et à l'époque, le rayonnement n'avait pas autant d'importance en termes de mécanique. C'est-à-dire que le rayonnement, c'était juste un pool de points de vie. Il n'avait pas cette importance en termes de mécanique de jeu, de Lego, de construction avec les éléments, le côté Minecraft de Sens Néant où tu construis toi-même tes créatures avec les éléments, etc. Et donc, du coup, oui, le mea culpa, c'est-à-dire que le système n'a pas été testé pour affronter des boss de fin. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à tester parce qu'il faut avoir des personnages qui progressent comme ça. Enfin, c'est un. Je vois l'idée. Enfin, de toute façon, en fait, c'est quelque part, je te fais pas porter toute la faute parce que moi, j'ai testé le jeu avant qu'il sorte. Hein. Je l'ai lu nombreuses fois avant qu'il sorte, donc c'est quelque chose que j'aurais pu deviner ou essayer de comprendre, mais c'est pas évident. Moi, je pense en fait que le vrai problème, il vient. Donc, de toute façon, j'ai tort. C'est-à-dire, de toute façon, il y a quelque chose qui manque dans cette base. Voilà, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui manque dans cette base. Maintenant, le podcast va aussi chercher à résoudre ce problème. Ouais. On va proposer certaines solutions. Mais clairement, je pense que la prémisse de ton problème vient de ce que tu supposes être un maître irritant. Alors évidemment, oui. On les décrit comme des gros bourrins, etc. Mais si tu regardes bien, dans la base, il y a les caracs de leurs armes, il me semble. Oui. Et combien de points elles ont ? Elles ont 300 points. 300 points de rayonnement. C'est de l'ordre de entre 150 et 200 dans un élément, puis 100 répartis un peu. Voilà, et donc ça fait 30 points de rayonnement. Ouais. Voilà. Et moi, en fait, pour moi, un maître irritant, ce n'est rien d'autre que son arme, en fait. J'avais pas conçu le truc, c'est que je pensais que pour faire mes PNJ, on ferait un PJ normal, un golem dont je dis déjà que c'est quelqu'un d'extraordinaire et dont je dis déjà qu'il a un niveau de maître irritant et qu'on lui ajouterait son arme. Donc j'avais dans ma tête, si tu veux, mais j'ai tort, enfin, hein, je suis pas en train de me justifier. je dis juste que dans ma tête, pour moi, ça faisait 30 et 30, 60 points. Tu vois ? Ouais. Donc 60 points, alors déjà, tu vois, c'est déjà long. Mais dans la tête, je me disais, bon, bah voilà, s'ils affrontent un maître irritant, ils pourront le friter lui, friter son arme. Et de toute façon, moi, j'avais jamais eu un scénar dans lequel on allait jusqu'à briser un maître irritant autrement qu'en cinématique. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il y a un gros combat, bam, bam, bam, bam, bam, ça frite. Le maître irritant s'en prend plein la gueule, parce qu'il faut le dire quand même, quand on est PNJ à sens néant, on s'en prend juste plein la gueule. Et donc du coup, il y a un moment donné où on avait dit tout, avec les joueurs, on avait dit tout ce qu'on avait à dire. Et à ce moment-là, dans les playtests, on arrêtait, on disait, bon bah voilà, vous l'avez vaincu, fin du combat. Oui. Mais jamais j'ai pris le système de résolution en me disant... On va jouer jusqu'à ce qu'il soit à zéro. Bah en fait, en pratique, c'est ce que tu décris, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, vu que les duels de rayonnement sont des duels d'explication, d'arguments, entre autres, c'est là que au bout d'un moment, on tombe à court et ça s'arrête. Mais il n'empêche que il y a quand même ces combats qui sont censés être épiques contre des maîtres irritants, contre des Utrima, contre des personnages qui vont être forts parce qu'ils vont être la conclusion d'un scénario, des boss. Enfin, voilà, le boss. Ouais. C'est dommage d'avoir à l'expédier. Bah oui. Parce qu'on est arrivé à court d'arguments. Et en fait, respecter les règles dans ces cas-là, ça permet de donner aux joueurs la sensation d'avoir vraiment gagné. C'est ça en fait qui te pose problème. C'est ça qui me donne. Faire une ellipse, c'est un peu dire comment dire. En fait, vous avez gagné, c'est historiquement vous avez. Historiquement, vous avez gagné. Je sais pas comment. En fait, il y a des passages, par exemple, dans Mort, quand Miphos récupère les runes et se barre, et on sait qu'il va être invaincu. Ouais. On le devine au début de la scène. Enfin, c'est quelque chose qui est assez explicite. Ouais. On voit que ça va être cinématique, mais le combat n'est pas moins là quand même. Dans Néant, on commence à laisser beaucoup de place à la liberté des joueurs. Et revenir cacher ça immédiatement parce qu'il fallait que quelqu'un gagne, même si ce n'est pas forcément le cas en plus, c'est ça qui est dommageable. En fait, ouais. Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, à ma table, Jérôme, y a quelque chose d'assez marrant, c'est que ça s'est fait tout seul, en fait. C'est-à-dire ? Les gens faisaient des ellipses tout seuls ? En fait, alors nous, il n'y a pas d'ellipse, ils abandonnent. Ils concèdent la victoire à leur adversaire en admettant que l'autre est plus fort. Et j'ai vu mes joueurs, quand ils ont participé au tournoi de flammes, là, dont je te parlais là, tout à l'heure, qui abandonnait clairement en disant non, bah ok, il est clairement plus fort que moi là-dessus, je lui concède la victoire pour le moment. Ça arrivait aussi vachement souvent que les maîtres irritants se couchent en fait. Quand ils affrontaient, t'affrontes 4 golems, tu vois qu'il prend dans sa gueule à fond, il prend 10 par tour alors que lui il distribue 3 claques. Bah, de temps en temps, il disait ok, golem, vous m'avez convaincu, ou tu vois, prenez mon arme. Enfin, tu vois, ça finissait souvent comme ça. Ou alors ça allait jusqu'à la brisure. Hein, mais... Ouais, mais ouais. Tu mais... vois, enfin, ouais, moi j'ai. Ouais. En fait, en gros, Adrien, en fait, le problème, on l'a bien isolé. Ouais. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que. Des solutions, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais, parler peut-être de solutions. Et un truc et tout ça, bête. Et ça, tu penses que Ellipse, ça marche pas? Alors, non, ça peut marcher, si tu veux. Il y a des combats, ça peut marcher, clairement. Quand ils affrontent un grand incendie, voilà, ils savent qu'ils vont gagner parce que c'est pas un adversaire. Enfin. C'est un mini-boss ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas de gros enjeux, on va dire. Par contre, quand tu te bats contre un vrai boss, quelqu'un qui a les épaules du boss, qui est depuis le début comme méchant, ou qui tout d'un coup se retourne, ou c'est le traître, j'en sais rien. C'est important qu'il y ait un vrai combat mené à la règle des lettres, parce que ça permet d'avoir cette sensation de « on perd, on s'enfuit » ou de « on gagne, on continue, on l'aura ». Alors en fait, Et donc voilà. Alors t'as une solution à proposer ? J'ai des pistes de solutions. C'est que donc il y en avait une qu'on avait vaguement évoquée tout à l'heure quand on a discuté un petit peu avant le podcast, qui était que quand on dépense des points d'immersion pour obtenir des bonus, ça augmente. Le fameux plus 10. Voilà, parce que dans, plus 10. Dans Sens Néant, on peut faire ça. On peut dépenser un point d'immersion pour gagner plus 10% dans la rune en jeu. Que ça augmente les dégâts de la blessure. Multiplie par deux même. On avait proposé. Ça, c'est ce que tu proposais toi. Moi, je trouve ça un peu trop fort. D'accord. Parce que, les combats qu'il y avait eu, en général, il y avait des fois, ils en ont dépensé 4 ou 5. Donc 4 ou 5. Justement, x 4, ça fait 12. Que si tu multiplies 2. Puis par deux, puis par deux, deux. Ah oui, non, je parlais pas de ça. Excuse-moi. Je parlais, par exemple, si tu fais 3 dégâts, quand tu mets un marqueur, ça fait 3 6, de plus. Puis 9. D'accord. Puis, c'est pas multiplié par 2. Oui, non, c'est pas multiplié par 2. C'est le premier. Excuse-moi. Ouais. Mais parce que sinon, tu Donc Adrien est mon relecteur. Tu te retrouves après 4 points dépensés à faire 500 dégâts. Allez, hop, là, c'est parti. Ouais. Non, faut pas tomber dans les extrêmes. Mais effectivement, que chaque point en plus augmente l'enjeu de blessure. Voilà, c'est ça. Mais alors, moi, ce qui me dérange avec ça, c'est qu'il y a un déséquilibre complet entre le joueur et les maîtres du jeu. Donc moi ce que je propose comme piste après je pense que c'est à chaque maître du jeu de trouver un peu sa sauce. C'est dommage que ce soit comme ça parce que faudrait tester pour s'en rendre compte, mais chacun pourra essayer un peu et voir ce qui lui arrange le plus. Mais je pense que effectivement un point d'immersion qui augmente les enjeux en blessure, mais que dès que c'est fait, si jamais ça ne suffit pas pour blesser, le golem prenne une contrepartie dans les dents, parce qu'en gros il s'est ouvert pour essayer de... En fait, ça va être l'exemple, typique de la botte en escrime où tu te lances en avant pour essayer de toucher et t'y arrives pas. Et là, t'as plus de garde, t'es ouvert complètement aux attaques. Moi j'ai un autre exemple, c'est que si t'attaques avec de l'eau, typiquement, contre du feu, que tu te mets en état d'eau, si le feu gagne, tu t'évapores. Et inversement, tu vois ce que je veux dire, c'est quand les éléments s'affrontent, selon celui qui gagne, il y en a un qui fait s'évaporer l'autre ou s'éteindre l'autre, entre l'eau et le feu, par exemple. Et du coup, t'emmènes vers un autre point sur lequel j'avais envie de parler. Alors, est-ce qu'on peut proposer d'autres solutions ou pas? Ou non, tu veux parler? On va ouvrir une parenthèse sur ce point-là et on propose des solutions. Non, on va pas ouvrir de parenthèse tout de suite, on va continuer un petit d'accord. peu, essayer de trouver d'autres solutions peut-être. D'accord. Est-ce que tu avais des solutions pour parer à ce problème du. Ce qu'on appelait le problème du level up? C'est-à-dire que plus on affronte des ennemis forts, plus finalement ça devient chiant parce qu'ils sont trop longs. Clairement pas, parce que mes joueurs ne sont pas allés assez loin pour, dans la campagne pour affronter vraiment des stars, hein. Des maîtres irritants ou des outre-humains, quoi. Alors, si, à un moment, il y a eu un duel contre Bélial, donc. Et le joueur s'est couché, hein, clairement. Il était en duel. Ouais, mais ce combat-là, il transparaît complètement le système de résolution, qui est que le personnage est hors d'atteinte, parce qu'à ce moment-là du jeu, il est trop fort. Mais ça, c'est lié au level-up, en fait. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, le golem n'avait pas le niveau pour le battre. Les golems ne peuvent pas affronter les maîtres irritants à armes égales, enfin sans être à armes égales en fait. Non, quasiment pas. Ils sont, voilà, sont sûrs de perdre. Oui, c'est ça. Du coup, c'est le système qui motive ça. C'est pour ça que à la limite, autre solution, c'est que les armes augmentent les blessures. Par exemple, si tu as une arme qui a, 30 points de rayonnement, elle fait 3 blessures en plus systématiquement. Ouais. Ça, c'est pas mal. Quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, c'est pas très délicat, mais. La solution des points d'immersion pour donner les bonus de dégâts est plus fine. Il y a une sensation plus fine de je me risque ou je m'ouvre plus. Moi, plus élégante. J'avais imaginé encore autre chose que j'avais testé et je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans la base maintenant que tu m'en parles. Et. Peut-être parce que j'en avais. Faut dire un truc aussi sur Sens Néant, c'est que à la fin Sens Néant, j'en pouvais plus quoi. Il me sortait par les yeux. Ça faisait 3 ans que je travaillais. J'ai dû réécrire 2 fois le bouquin. C'est vrai qu'à la fin, je me souviens que j'avais vraiment envie de le sortir et envie de le mettre au loin. Et c'est pour ça que c'est sûr que dans le système, parce que c'est vraiment le système de résolution qui a été écrit en dernier. Avec tes relectures et tout, Adrien. Et je pense qu'il y a des trucs effectivement sur le système. Autant sur le système de jeu, je suis sûr que je suis au top. Je pense qu'il n'y a rien qui est oublié. Non, il y a un truc. On y reviendra après. D'accord, ok. Mais je pense quand même être moins facilement déstabilisé. Par contre, sur le système de résolution, ça ne m'étonne pas du tout. Et parce que c'est vrai que c'était un moment qui était assez difficile. On fait tous des erreurs hein, quand on fait des jeux, c'est clair. On ne peut pas sortir un jeu parfait. On ne peut pas sortir un jeu parfait, ce n'est pas possible. Mais c'est l'intérêt aussi de ce podcast de revenir sur ces points faibles et d'essayer de les améliorer. Mais pour en revenir sur cette histoire de système de résolution, moi, ce que j'avais imaginé. C'était qu'en fait, et je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit, c'est qu'en fait, au début, premier niveau. En fait, si tu veux, c'est un peu le niveau des boss, comme il y avait dans les vieux jeux vidéo de l'époque de la PlayStation, de la Super NES. C'est-à-dire que les boss, ils ont plusieurs niveaux. Tu sais, ils ont plusieurs. Un premier mode où tu les affrontes sous une certaine forme. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau qui est débloqué où tu les affrontes à nouveau sur une deuxième forme, puis une troisième. Et en fait, pour moi, les maîtres irritants, c'était ça. Au début, tu les affrontes sans leurs épées. Puis à un moment donné, en fait, un petit peu comme dans Saint Seiya, Albéric qui récupère son épée flamboyante et qui dit bah maintenant, regardez, voilà, maintenant j'ai ma vraie arme, donc level up. Donc là, tu frites le maître irritant avec son arme, sachant que t'as déjà commencé à l'affecter. Et à la fin, en fait, il utilise sa botte technique qu'il a jamais utilisée que contre toi, etc. Tu vois, c'était. Ouais, je vois pas en quoi ça concerne le propos là. Eh ben en fait, c'est parce que comme t'avais plusieurs niveaux de combat, quand tu réussissais à vaincre une étape, à faire une boucle sur une étape, le maître irritant prenait son arme. Disait bah maintenant vous allez ma d'accord. Et du coup t'avais une du coup en fait une... c'était plus le point de rayonnement qui était important, c'était arriver à passer une attaque voilà, ou deux voilà c'est ça terminait la phase voilà c'est ça passer une c'est ça d'accord. Et du coup t'avais quand même la sensation d'accomplir le combat parce que tu passais les phases bien sûr, mais du coup ça fonctionnait plus du tout par ces points de vie de rayonnement mais par des phases de jeu. Mais c'est vrai que distinct. Maintenant que tu le dis, et c'est ma grosse erreur de pas l'avoir vu, mais même en tant que one shotter de sens néant, il y avait des fois où je une proposition comme ça qui me vient ça, qui retranscrirait un peu cette idée de phase, c'est qu'à partir de à chaque blessure que subit un adversaire, toute blessure subie augmente de une. Premier coup, je fais 2 points de rayonnement. Mmh. Le coup suivant, il en fera 1 de plus. Le coup suivant, il en fera 2 de plus. Le coup suivant, il en fera 3 de plus. Du coup, les adversaires à beaucoup de points de vie vont tomber de plus en plus vite. Hein. Mmh. Et ça transcrit un peu cette blessure. Moi, j'aime pas trop. J'aimerais pas qu'on trouve une solution technique à ce problème. D'accord. Ce serait super si on pouvait trouver plutôt une solution entre guillemets narrative. C'est-à-dire que la façon de résoudre ce problème, ce soit cher maître de jeu, oubliez un petit peu le système de résolution et dites-vous que les Septentriens, quand ils s'affrontaient, j'imagine les Septentriens quand ils s'affrontaient, ils devaient y passer des plombes à l'affrontement. Tu vois ce que je veux dire ? Ils devaient le faire. Ce que tu dis, Adrien, c'est que oui, mais en tant que joueur, bah c'est chiant. Ouais. Et donc du coup, la solution moi que j'ai envie de proposer, c'est en tant que joueur. On va proposer une version accélérée de ces combats-là. Genre plutôt, le maître irritant va dire que chaque ronde, c'est une dizaine de points. Donc du coup, quand vos joueurs ont passé suffisamment de fois sa garde, on arrête le combat, on fait l'ellipse, mais il se brise vraiment, tu vois. C'est comme si tu l'avais vraiment vaincu. Ouais, ouais. Et ça suffit, en fait, parce qu'il n'y a pas besoin... Moi, en plus, Jérôme. De mon point de vue, ça serait cohérent avec le fait que dans la base... On dit clairement que le fait que ce soit des combats et des armes, qu'on nous présente ça comme des armes, c'est une sorte d'anthropomorphisation. Absolument, oui, bien sûr. Des Septentrains. Enfin, moi, Jérôme. Je sais que, enfin, tel que je le joue, Classis rappelle régulièrement au bug que les combats où on se met des coups d'épée enflammée, etc., c'est pour faire joli, en fait. Sauf que c'est pas trop ce qui se passe, par exemple, sur mes tables. Alors, c'est plus des combats d'arguments. Mmh. D'accord. C'est plus, par exemple, le premier combat contre un grand incendie, ils vont pas être d'essayer de l'éteindre à coups de seau d'eau. Ils vont lui dire, t'as soif du voyage, toi qui brûles toutes les plaines pour voyager plus loin, pourquoi tu ne le fais pas autrement. Et du coup, ça reste plein d'arguments qui rendent le combat encore plus long, justement, parce que dire ça, c'est plus long que dire je lui balance un seau dans la tête. Ouais. Mais en fait, moi, je voulais qu'il y ait les deux. Un petit peu comme dans les jeux Zodiac, où les mecs s'échangent des arguments, mais en même temps, ils s'échangent des pains dans la gueule. Je dis qu'il y a ça, mais il y avait aussi des moments où les joueurs étaient à court d'arguments, et puis du coup, juste. Ça sent vraiment en épée. Non, mais bien sûr, voilà. mais bien, j'essayais d'insister pour que ça. C'est ce qui se passait la plupart du temps, c'était plutôt des arguments. Ce qui est d'ailleurs assez délicat parfois. C'est encore un autre problème. Là où je voulais en venir, c'était pas là. C'était que note les points que tu trouves problématiques pour revenir dessus, Adrien. Jérôme, pardon. Enfin, c'est que même quand ils se mettent des coups sur la tronche. Enfin, moi, de mon point de vue, en tout cas, je ne suis pas sûr que les Septentrales le fassent vraiment. Je pense que c'est vraiment un mélange d'éléments, quoi. C'est ça que si vraiment il fallait le. Oui, donc, voilà. Du coup, il n'y a pas une confrontation. Il n'y a que les humains qui voient ça en confrontation. Voilà. D'autres diraient qu'il y a l'harmonie. Oui. Pour moi, une confrontation de rayonnement, ça pourrait très bien être deux Septentras qui s'observent pendant 3 jours. Mais c'est exactement ça. Sans bouger d'un millimètre. Ouais, mais c'est exactement ça qui est décrit dans la Bastille. Mais il y a plusieurs types de combats. Hein. Au niveau narratif, il y a le combat boom boom, hein, avec les épées, les trucs et tout. Il y a ce niveau-là, c'est-à-dire pour les joueurs qui ont envie d'un personnage un peu bourrin, qui ont envie de se faire plaisir. T'as les persos plus intellectuels, on va dire, qui vont faire des arguments. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le bourrin peut affronter avec son épée de flamme un mec qui fait des arguments, et les arguments ont autant de poids pour parer l'épée de flamme. Ça, c'est le trip de ouais. Dogs in the Vineyard que j'adore, et j'ai voulu remettre la même chose en Sens Néant. Donc t'as tous ces niveaux-là. Et puis t'as un niveau narratif aussi dont on parle pas là, et qui me semble être la solution en fait à ce problème des points de résolution. C'est Classis qui pourrait très bien, au moment où les joueurs sont vraiment dans un élan épique en train de friter, et encore une fois, quand ils trouvent une boucle, et c'est, je sais pas, et vous êtes sûr que c'est pas dans la base ça, parce que moi non, c'est fait automatiquement. Mais je l'ai quand même pas mal lu. Ah ouais, ça me dit rien, mais après peut-être que ça y est, mais là faudrait demander à notre atout qui est en train de lire derrière les bouquins. Ouais. Il est en train de chercher. Si l'on sait plus, on vous le dira. Voilà. Mais en tout cas, le truc, c'est que, parce qu'il y a Darky qui est en train d'assister à ce podcast avec son bouquin de Sens Néant. Donc, si tu peux nous trouver un passage éventuellement. Ouais, les boucles dans les bastons. Ouais, alors, les boucles dans les bastons, il me semblait pourtant que c'était précisé que lorsque les joueurs trouvent un truc, Classis finit en disant et la lutte durera ainsi une éternité avant qu'ils puissent mettre au sol leurs adversaires, etc. Il me semblait bien, mais. En fait, c'est peut-être un oubli. En fait, le défaut de cette version narrative, c'est qu'à nouveau, on a l'impression que les joueurs volent, enfin que la victoire leur est offerte. En fait, j'aime bien ta solution de phase de combat. Ouais, moi, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est une solution. Mais les deux sont complémentaires. Oui, en fait, non, les deux sont complémentaires, mais elles sont différentes. Ouais. C'est que t'affrontes plus des points de rayonnement. Si tu leur dis aux joueurs, t'affrontes des points de rayonnement. Si tu leur expliques ça, enfin. Eux, ils ont des points de rayonnement qui comptent. On leur dit, si vous arrivez à zéro, vous êtes brisé. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et le problème, c'est qu'il y a une dissymétrie du combat. C'est que eux, il faut qu'ils arrivent à toucher un coup, puis ensuite le maître du jeu fait, hey, vous avez gagné dans un élan de gloire, machin. Tandis que eux, ils se font toucher trois fois. C'est vrai, bon, non, mais c'est vrai. Ils sourcillent pas. C'est vrai. Non, t'as raison. Ouais. En fait, faut qu'il y ait la symétrie des règles rend le combat intéressant. C'est pas. Et cet Inéa s'en prit encore plein la gueule. Mais au terme du combat, il commence. En fait, tout simplement, il faut. Je pense qu'en tant que maître du jeu, pour que la solution marche, celle que tu proposes, il faut que les joueurs aient subi la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un combat qu'ils perdent. Et en tant que classiste, tu fais. Et là, leur adversaire, trop fort, continua. Comme ça, ils verront bien que la victoire. Ouais. En fait, il faut que cette mécanique. Soit expliqué aux joueurs, alors, soit nous, par l'application du système, soit par le MJ en le disant. Excellent, vraiment très très bien. Je suis d'accord avec toi. Et nous, et c'est là que je reviens à ce que disait Jérôme tout à l'heure, ce qui se passait quand un combat était perdu comme ça, c'est qu'en général, les joueurs le sentaient. Ils sentaient qu'ils allaient se faire latter la gueule. Moi, c'est... Et donc, ils faisaient ce que Jérôme a dit. Pardon, excuse-moi. J'ai quasiment aucun combat qui a été perdu par les joueurs. Ah ouais. Quasiment. Ah, si, alors, il y en a eu un ou deux, mais... Ouais, non, je suis même pas sûr. Alors, j'avoue que si tes joueurs sont restés en groupe, moi, c'est tant qu'ils sont restés en groupe, pour l'instant, j'ai pris que des fessées, quoi. C'est en duel que j'ai eu des chances de les. Ouais, moi, il y a quasiment jamais de duel. Moi, ça va, ils ont fait des contrats assez imbus d'eux-mêmes et bourrins. Alors, avant de reprendre les points qu'Adrien voulait soulever, est-ce que toi, Jérôme, sur le système de résolution, tu as rencontré des problèmes? De résolution. Alors, on a fait le tour ou pas, Adrien, selon toi, du level up là, ouais, je pense. Confrontation ouais. De rayonnement. Pour moi, on a apporté c'est une vrai. Solution intéressante. On a bien cerné le problème. Ouais. Je voudrais dire aussi après, que après, de toute façon, le forum sur le site reste accessible. Ouais. Juste un dernier point que j'aurais abordé là-dessus. Excuse-moi, Jérôme. Désolé, je te reprends la parole. Vas-y, 30 secondes. Il vient de me rappeler quelque chose. C'est que les armes et les maîtres irritants peuvent être considérés comme deux PNJ à affronter séparément. C'est bien précisé, ça, par contre. Alors, c'est pas bien précisé, mais tout le jeu est explicite là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que l'arme peut attaquer et le maître irritant attaquer lui-même avec ses propres mantis. Moi, mes joueurs se sont rendus compte au bout d'un moment, il aura fallu un certain temps, mais que le vrai adversaire, quand ils affrontaient un maître irritant, c'était pas le maître irritant, c'était son arme. Parce que le gros de son score venait de son arme. Ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, ils ont envisagé l'idée d'essayer de retourner l'arme contre son maître. Alors ça, c'est encore un truc qui est piqué à Final Fantasy et à tous les RPG de cette époque PlayStation Super NES. C'est les fameux boss où, vous savez, on est en train de friter le boss, puis d'un coup, on se réalise qu'en fait, on peut appuyer à droite ou à gauche, et qu'en fait, le petit doigt qui indique l'ennemi peut se déplacer dans un endroit du décor pour frapper un truc du décor ou frapper un par exemple, plutôt que de frapper la tête de l'ennemi, tu vas frapper ses poignets qui sont avancés, oui, et tu vas en fait t'apercevoir que ça provoque des effets sur le combat stratégique, etc. Et ça, c'est vraiment encore une fois, hein, c'est encore une des sources d'inspiration du truc. Et donc c'est ça. Je voulais juste préciser ça pour parce que on a l'impression que c'est un groupe contre un seul quand on vous écoute parler, alors ouais. que le MJ peut décider un groupe. De faire un groupe contre un groupe. Oui. Mais le maître irritant, il y a moins intérêt. Alors, c'est pas que pour ça, c'est aussi qu'en tant que MJ, c'est beaucoup plus lourd à gérer. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est beaucoup plus sûr. Ouais. Ouais. Bon, après, les gens. Du coup, je pense que ça peut nous mener vers le point suivant que je voulais aborder. Je l'ai. Attends, est-ce que Jérôme, peut-être. Et non, après, vas-y, continue. Note. Ouais, c'est noté. Hein, c'est noté. Jérôme, est-ce que tu as rencontré des problèmes avec le système de résolution? À part ce qu'on a déjà cité là, les boucles, ouais. etc. Non. Ouais. Non, d'accord. Les joueurs ont un sentiment de victoire facile. Dès qu'ils sont en groupe, ils ont l'impression qu'ils gagnent tout le temps pour le moment. Mm-hmm. Bon, j'en suis pas très loin, donc j'aurais pas encore aussi fait affronter de groupe mm-hmm. en face. Donc, c'est curieux ça, parce que. Ça a été du lynchage pour l'instant. Dans la base, pour la création des PNJ, il y a quand même écrit qu'en fonction du nombre de personnes qui l'affrontent, il faut que vous donniez le bonus qui correspond. Ouais, il me semble que le conseil que tu donnes, c'est de mettre. Alors attends, Darky, viens prendre Darky un micro. A trouvé. Tiens, Darky viens. A pris un micro. Viens prendre celui-là. Vas-y. Ouais. Alors, dans Sens Néant, page 324, il est mentionné au cours d'une confrontation de rayonnement, si un cycle infini est obtenu pour défaire l'ennemi, le narrateur et le joueur peuvent choisir de faire une ellipse et considérer que l'ennemi est vaincu. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que, à nouveau, contre un adversaire comme Glace. Bah, je suis content, putain, merci. Contre Glace, par exemple, il n'y a pas de boucle infinie, parce que la boucle infinie s'arrête au moment où Glace gagne, en fait. Elle a des scores tellement élevés que. Enfin, bon, peu importe. Alors, bon, le truc, c'est que je pense que. Mais même cette solution ne me plaît pas, celle qu'on a évoquée là. Mais je pense que la solution du niveau, des différents niveaux. Des étapes en plus de celle-ci. Tu rajoutes, ouais. tu mets celle-là, tu mets les différentes étapes où il y a un niveau 1 du boss, niveau 2, niveau 3 par exemple. Ouais. Je te donne un exemple typique hein, pour Glace. Il y a un niveau, tu l'affrontes sans son Kraken et les yeux fermés par exemple ou un truc comme ça dans un bloc de glace. Ouais. Deuxième niveau, elle sort du bloc de glace et là elle l'affronte en tant que personne et ensuite elle prend bam, Kraken. Elle fait péter le Léviathan, le Kraken et bam, quoi, elle envoie du lourd. Quoi. Tu vois, ça peut être. Ouais. T'as le côté level up où tu et puis à la fin voilà elle est brisée et je pense qu'il y a une vraie satisfaction mais là tu sais Adrien avec cette problème je pense que tu poses un vrai problème pour le jeu de rôle en général en fait c'est... Oui. Jusqu'où est-ce qu'on peut dire enfin moi je vois par exemple dans les scénars à part les scénars de Cthulhu où c'est explicite que par exemple tous les persos peuvent mourir et se faire massacrer par le monstre et où là du coup c'est un super succès de réussir à le battre parce que logiquement tu devrais pas je connais pas de jeu de rôle dans lequel tu joues un héros qui peut pas mourir, parce que typiquement, dans le sens, tu joues un héros qui peut pas mourir. Enfin, ouais. c'est quasiment un des contrats sociaux, d'accord. Ben, je connais mais pas. La fuite reste une solution, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le Sens Néant, la défaite, c'est pas la mort, c'est la fuite, je pense. Mm. Ben, c'est où ce que disait Jérôme tout à l'heure. Oui, l'abandon, la fuite, oui, c'est ça. Ouais, la fuite, ouais. Alors, et, en fait, c'est un truc, je pense qu'il faut le faire subir aux joueurs pour qu'ils comprennent que c'est ça la défaite. Et. Tout à l'heure, tu parlais voilà de faire subir aux joueurs le genre de oui c'est ça ce genre d'évolution de boucle infinie, et tout ouais. et ça par exemple tu es face à Glace elle a sorti son Kraken commence la boucle infinie est clairement à la défaveur des joueurs tu regardes bon là au dernier tour les deux derniers tours vous lui avez collé 8 elle vous colle 3 on fait le compte voilà 6 tours plus tard elle a pris temps mais elle est toujours debout vous par contre il vous reste 3 chacun bon qu'est-ce que vous faites par exemple tu vois alors si tu fais ce calcul là rapide tu peux très bien faire une ellipse avec la 6 en disant après le combat affaibli ils se retrouvèrent face à tu vois c'est dire ce que j'avais prévu mais dire ce genre de choses ça me dérange parce que je parle pour les joueurs c'est vrai et ça me dérange beaucoup c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est bien précisé qu'il faut que les joueurs et le MJ soient d'accord. Dans la règle que vient de nous citer Darky, il y a un côté, on se met d'accord. Ouais. Mais bon, c'est sûr. C'est sûr que c'est un problème, c'est clair. Et de toute façon, ça aurait dû faire l'objet plus que d'une petite phrase comme ça, dans Sens Néant. Ça aurait dû faire l'objet d'un chapitre. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est, on ne va pas non plus tourner en rond. Voilà, c'est clair et net. Après... Bon, on n'est pas à l'abri, je ne sais pas quand je ferai réimprimer le bouquin, je verrai s'il y a moyen de rajouter quelque chose, ça va être très très difficile, parce qu'avec, vous savez, les numéros de pages sont importants pour certaines énigmes et tout, enfin, il y a des trucs, je ne peux pas tout changer en fait. Adrien, tu fronces les sourcils, mais il y a plein de choses à trouver dans les livres de sens, beaucoup plus que tu ne le penses. Et du coup, c'est super dur de revenir en arrière sur certains niveaux de pages et tout, c'est pour ça aussi que je travaille sur la mise en page et tout, des livres, tu vois, par exemple, quand je t'ai envoyé le truc à corriger, la mise en page, elle était déjà faite, si tu te souviens bien. Parce que moi, je la travaille. Par exemple, quand j'écris Sens, il n'y a pas de texte brut. Je fais pas le texte au kilomètre et après je mets en page. Je mets en page direct. Donc c'est super curieux. Il va falloir que je rouvre mes bouquins. Un jour, on va te coincer, on va te demander de tout nous expliquer. Non. Alors donc, t'avais noté d'autres trucs. Parce que apparemment, c'est bon, Jérôme a validé là-dessus. Alors, de toute façon, c'est deux points qui restent un peu sur le même sujet. Le premier, c'est toujours sur les combats de rayonnement. Quand on parlait des arguments au lieu des combats physiques avec une épée, il y a des moments où, en tant que maître de jeu, c'est pas facile de voir à quel moment. L'argument, c'est juste essayer d'avoir raison et de dire. Je vais donner l'exemple. Les personnages, les golems, se rendaient à Miroir et traversaient le désert. Ils se retrouvent encerclés par toutes les créatures du désert qui refusent de les laisser passer. Il y a des scarabées, des sphinx, des dragons, plein de créatures qui sont là qui leur disent non, vous ne passerez pas, vous n'êtes plus les bienvenus ici. Un des personnages sort des arguments qui sont laissez-nous passer, nous ne vous voulons pas de mal. Et ce personnage continue à avancer. Moi, je me suis retrouvé dans la situation où eux refusent et veulent un combat de rayonnement, en fait. Les désertiques. Le désert. Ils ne vont pas laisser passer sans. Ils vont pas se laisser convaincre comme ça. À quel moment je considère que les arguments du golem sont une forme de duel, de confrontation de rayonnement? Il y a des moments où c'est pas évident, parce qu'en gros, du coup, les autres golems de l'équipe sont mis à taper dessus. Elles disaient, mais non, arrêtez de leur taper dessus, c'est pas ce qu'on doit faire, on doit juste passer. Ils sont bernés. Et moi, je me suis retrouvé à. C'est très clair dans la base, par contre, pour le coup, Adrien. Ça a été très, très bien expliqué dans la base, ça, par contre. Première étape, c'est le truc de l'argument bloqué. Ça, c'est. Alors là, c'est celui qui a le plus qui gagne. C'est celui qui a le plus qui gagne. Oui. Et ensuite, c'est bien précisé quand est-ce que commence la confrontation de rayonnement. C'est quand un joueur n'accepte pas de perdre à ce moment-là. Donc, si par exemple, typiquement, c'est celui qui a le plus qui gagne. Là, tu dis cactus. Ça peut pas être le cactus qui va déclencher la confrontation de rayonnement. Bah, si. Justement, d'accord. C'est ça. C'est-à-dire, les gens du désert. C'est-à-dire que. Ah non, bah oui, mais pour moi, le MJ. Bah, un des acteurs de sens, un des joueurs de sens, mais MJ ou joueur. Le truc, c'est que si tu n'acceptes pas. Le truc, tu vas aux confrontations de rayonnement. Typiquement, t'es MJ. T'as ton petit PNJ et tout qui a 60 en feu. Jérôme, il a 80 en eau. Il y a une discussion entre eux et un dialogue bloqué. Le mec de feu veut à tout prix pas le laisser passer et Jérôme veut passer. Jérôme a 80 en eau. D'accord ? Je suis MJ. J'ai 60 en feu. Je perds. D'accord ? Oui. Et là, donc Jérôme doit passer et je dois accepter ses arguments, point barre. Et là, moi, en tant que MJ, je peux dire non, on va au duel de l'arme. Voilà. Direct. Le problème, c'est qu'en tant que MJ, de quoi ? T'as dit duel de l'arme. Pardon. Confrontation de rayonnement. Non, je suis d'accord. Non, c'est ça, duel de l'arme. C'est-à-dire que la confrontation de rayonnement, elle a eu lieu. C'est 80-60. Ah, tu veux dire ? Ah oui, d'accord. Ah oui. Une attaque c'était blesse, oui. Ah, d'accord. T'es plus dans une. Ah oui. On parle vraiment de la confrontation de rayonnement. Là, je t'explique le truc. C'est que théoriquement, si j'ai 60 en feu et 80 en eau contre lui, si on discute tous les deux, on est bien d'accord, on discute que tous les deux, je suis obligé de perdre. Donc je perds ma confrontation de rayonnement d'entrée de jeu. On est d'accord. Alors, ce que tu appelles confrontation de rayonnement, c'est comparer les éléments et dire celui qui a le plus gagne. Imagine que 60 en feu, j'essaie de friter, je gagne pas. Les combats de rayonnement. Oui, non, mais on est d'accord. Ceux où tu perds des points de rayonnement à chaque fois. Oui, entre les deux qu'Adrien a du mal à cerner, en fait. Attends, on est d'accord. Mais le truc, on est d'accord. Je suis pas sûr qu'on soit d'accord. Le conflit de rayonnement, à ce moment-là, il a lieu. Ouais, mais ils comme pas il a 80 et moi 60, je perds forcément. Bah non. Je vais pas gagner. Bah non, pas forcément. Ah bon, bah comment je fais si t'as des points d'immersion. Mais je suis MJ. Non, mais. C'est entre les PJ, là, alors que tu parles. En gros, les créatures du désert face au golem. Oui. Le golem veut passer, leur dit laissez-moi passer. Le désert est plus fort. Mais qui c'est quel. Le désert. Il y avait toutes les créatures du désert. Ah ouais. Forcément, ils ont. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est les PJ qui doivent se défausser. Hein, tu vois, où il y a. Les PJ doivent. Alors. Les PJ doivent déclencher un combat de rayonnement. D'accord, ok. En gros, les arguments de part et d'autre sont bloqués. Ouais. Ça doit déclencher une confrontation de rayonnement. Oui, mais s'il y a tout le désert, ils sont obligés de perdre, hein. Non, mais c'est pas tout le désert, d'accord, mais il y avait des grosses créatures. Puis il y en avait un qui avait une arme de maître irritant, du coup, commençait à avoir du sérieux poids. Okay, ouais. Donc il y en a un ou deux qui commencent à se lancer dans la confrontation. D'accord, et ce golem qui voulait juste passer en les convaincant dit : mais non, moi je refuse de me battre. Est-ce que le fait de refuser de se battre, c'est une manière d'être dans ce combat déjà ? Est-ce que c'est des arguments d'eau ? Est-ce que c'est un élément d'eau qui dit : non, mais je refuse ce combat, laissez-nous passer. Est-ce que je considère que ça fait partie de la conscience d'environnement? Parce qu'en fait, le golem, enfin la joueuse, s'est retrouvée bloquée à ne pas savoir comment le gérer. Alors là, Adrien, j'ai envie de dire que c'est pas tant un problème du système de résolution qu'un problème par rapport à l'anthropomorphisme. Oui, bien sûr, mais alors, je dis pas que c'est un problème du système de résolution, je dis que c'est un problème général. C'est quand même lié au problème de résolution. Ouais. C'est un problème qui est explicité. C'est que effectivement, il faut que moi, ce que je pense, c'est que c'est l'idée que j'ai eue en tête, c'est qu'à partir du moment où il y a des joueurs, enfin où une entité a déclenché le conflit, ce genre d'argument, même s'ils étaient pour l'apaisement, même s'ils étaient pour refuser le combat, il n'empêche que refuser le combat, c'est prendre part au combat. Exactement. Moi, c'est donc ce que j'ai répondu. Voilà. Non, c'est exactement ce que je répondrais. C'était pas un problème que je voulais discuter intensément. C'était juste soulever le problème que j'ai eu. Ouais. Pour dire, et présenter. Voilà. Mais alors attends, dans ce cas-là, par exemple, l'exemple qui est dans la base, tiens, où Cetinea et Fotio. Non. Enfin bref, deux s'étant en train de discuter, et l'un veut emprunter l'arme de l'autre. Fedor. Voilà. Quand ils comparent leur cadran, ouais. Finalement, ils devraient se faire des blessures, ils devraient enfin s'enlever du rayonnement. Alors, parce qu'en fait, il y a deux étapes. Il y a plein d'étapes de confrontation. Ouais, c'est la première, c'est j'arrive face. Mettons moi et Romaric. J'arrive face à Romaric, je lui dis Romaric, tu veux me chercher le sucre? Romaric va me chercher le sucre. Ouais. Il a décidé d'obéir. Deuxième cas, il me dit non, mais vas-y, t'es un flemmard. À ce moment-là, on va confronter nos runes de feu, mettons, j'en sais rien, parce qu'on est dans un état de feu. Et Romaric gagne, du coup, je vais faire bon, d'accord, j'y vais. Voilà. C'est pas une confrontation de rayonnement, c'est on compare les éléments, et plus que moi, j'accepte d'y aller parce qu'il a gagné. Non, mais en fait, son argument est reçu. Et ensuite, l'étape d'après, qui fait non, mais franchement, tu me gonfles, ça fait trois fois que j'y vais, là, on commence à s'engueuler. Ça devient une confrontation de rayonnement, et là, on s'inflige des blessures de rayonnement. À quel moment est la frontière, du coup, par rapport à ce que vient de dire Romaric? J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Il n'y en a pas, en fait. Moi, j'avais pas prévu. Ouais. Non, c'est toi qui fais cette distinction-là, Adrien. Moi, dans la base, elle n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que pour moi, faut vous laisser expliquer parce que c'est très technique. Le truc, c'est que c'est lié à l'anthropomorphisme. Oui. C'est ça, en fait, le truc. Donc, si on était vraiment des Sétentrains, on ferait pas la différence entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? On était des Sétentrains, on fera pas la différence entre les deux. Pour moi, je vais chercher le sucre, tu l'as déjà épuisé. Voilà, en fait. C'est ça. Quand non, je vais te chercher non, le sucre, ils font tout ce d'accord. qu'on leur dit, en plus, c'est écrit non, dans la Non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est les deux volontés. Ils sont d'accord. En gros, si je viens te dire, va chercher le sucre. Toi, t'es d'accord pour y aller, moi, je suis d'accord pour que tu y ailles. Les volontés convergent, voilà, c'est ça. Donc, si y a j'arrive, pas de je te dis, va chercher sucre, tu me dis non, c'est toi qui y vas. Mais il n'y a pas de conflit, premier exemple. Que, en fait, je titille le conflit et en fait, j'ai pas envie de le subir. Ouais. Toi, t'es pas contre un conflit. En gros, quand tu me dis non, t'es pas contre un conflit. Moi, j'avais pas vraiment envie, j'avais juste envie d'essayer le coup de bluff. Ouais. Et du coup, vu que tu refuses d'y aller, j'y vais. C'est parce que je refuse le conflit. D'accord. Et la confrontation de rayonnement, pour moi, elle est là quand les deux accepte le conflit. D'accord. Okay. Et donc, en fait, quand ce golem veut traverser le désert, que les créatures refusent, elle refuse le conflit, mais en fait, elle refuse l'affrontement. Mmh. Elle refuse de se battre, mais le conflit est quand même là. Mmh. Alors, je tiens à dire, en tout cas, un truc là-dessus, c'est d'accord. que cette confusion dans le système, elle est volontaire. Et ça, on l'a bien travaillé avec Tom Pouce, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était que justement, quand on a fait les playtests, on a vraiment discuté à fond, on voulait que ce soit pas clair. Parce qu'à partir du moment où ça, que le fait que discuter, taper à l'épée, à partir du moment où tu le rends clair, du coup, tu rends clair qu'il y a des combats, qu'il y a, etc. Et du coup, tu peux plus parer l'épée avec l'argument. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il n'empêche que là, la joueuse était frustrée parce qu'elle savait pas comment. Mais moi, je pense qu'il fallait faire ce que tu as dit. C'est-à-dire confronter. C'est un sentiment d'eau que tu fais là, ou un sentiment, voire même d'acide. Ça dépend comment c'est fait. De négation. Oui, parce que nier le conflit, avec ça, les créatures des déserts. Je me demande, je me pose la question, Adrien. Je me demande. Hein, donc on est d'accord que c'est, je sais pas. Donc mais Do, ok. Mettons si elle dit, je suis passif par rapport à ça, j'attends de voir l'issue du combat. Là même ça, je me demande même si c'est pas déjà de l'acide parce que tu veux te retirer du jeu et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin voilà, du coup c'est une question intéressante que j'invite les futurs maîtres de jeu ou les actuels maîtres de jeu de Sens Néant à se poser et à faire poser aux joueurs. Moi, j'aimerais bien que tout le monde s'interroge autour de la table. C'est ça, s'interroger sur l'anthropomorphisme. Alors, ça fait partie des questions que le système de résolution soulève. Là, c'est un point de règle qui en devient frustrant pour le joueur. le moment où le MJ ne considère pas que ce qu'il fait rentre dans la confrontation. Ouais, moi, alors que en fait, la joueuse quelque part se disait oui, mais c'est ma manière d'agir. Ouais, mais tu dans vois, la moi, pour moi, le MJ, il a jamais le dernier mot. Ça reste quand même. Les joueurs vont pouvoir discuter avec Classis. Ils vont pouvoir dire attends, temps mort Classis. Attends, tu trouves pas que là, dans cette situation-là, machin, tu vois. Moi, je sais que Classis, ouais, a tendance moi, à ça, vraiment en fait. Demander. Ça m'arrive des fois de revenir en arrière d'un tour. Ah, j'avais mal compris ce que tu me disais, excuse-moi. Ouais. Enfin, oui. Je joue Classis alors, très compréhensif envers ses joueurs, en d'accord. tout cas. D'accord. Ouais. Mais bon, après, je suis d'accord avec toi que c'est un problème. S'il y a, de toute façon, une joueuse qui se sent frustrée, il y a un problème. Oui. Pas tortiller du cul. Après, c'est la question, c'est comment tu le résous. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti ça. Au contraire, juste cette ambiguïté donne de la, c'est pas de la saveur, mais de l'évanescence. Enfin, ça rend le truc profond, en fait. Mais c'est ça. Et alors après, là, dans ce cas précis, on sait pas quoi faire, et c'est ça qui frustre, en fait, c'est qu'on sait pas où on est. Ouais. On sait pas où on en est. Mais en fait, le fait qu'on sache pas non plus où on en est, ça peut aussi être source de plaisir, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, en tout cas, j'invite le MJ qui sent cette situation venir de considérer quand même que des arguments contre le combat sont quand même une part du d'argument coup, voilà, d'eau. C'est un d'argument d'eau. Voilà, parce que l'eau est particulier, c'est que l'eau a tendance à refuser le combat. Absolument. Au final. Ouais. Du coup, c'est un point qui est important à soulever. Ouais, d'accord, très bien. Ou même la lumière, hein, qui dit mais ce combat ne sert à rien, enfin, on va pas s'affronter. Ouais, voilà, ouais. Moi, je veux juste traverser là. Alors qu'en fait, c'est un argument déjà. Bah oui, c'est ouais. ça. Mmh. C'est ça. Mmh. Un argument. Même s'il est contre le conflit, reste un argument. Tout à fait. Voilà. Oui. Ouais. Et puis au final, il déclenche pas mal de guerres hein, pour des pacifistes. Oui. Mmh. Bah oui. C'est clair. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Et j'en ai un petit dernier. Allez. C'était quand on parlait des solutions pour accélérer les combats tout en faisant des points de rayonnement. Mmh. C'est sur les combats à un contre plusieurs. Donc en général, c'est un personnage bourrin du MJ contre les bugs, enfin contre les golems. Ouais. Et où tu disais, si je suis en forme d'eau et que j'utilise des points de rayonnement, j'ai des bonus et tout, et si je touche pas, je me prends les dégâts. Mmh. En fait, c'est quelque chose qu'en pratique j'utilise, c'est que un combat à un contre plusieurs, il y a une sensation d'inactivité de l'adversaire qui ne peut attaquer qu'un golem à chaque tour. Du coup, ce que j'avais tendance à faire, c'est que de temps en temps, il attaquait tout le monde d'un coup. Ouais. Donc chacun comparait ses éléments, comme ça il pouvait mettre des patates à tout le monde. Et aussi souvent quand les gens l'attaquaient, je considérais que s'ils n'arrivaient pas à le toucher, alors que c'était une attaque, pas la petite attaque juste pour détourner son attention, mais la grosse attaque qui avait but vraiment de le blesser, ouais. Que si ça ratait, c'était le golem qui se prenait les dégâts. Les dégâts. Parce qu'en gros, c'était je me suis ouvert et du coup je me prends la contre-attaque. Et quelque part, c'est. Ça déséquilibrait pas le jeu en faveur du gros PNJ ? Non, enfin. Je me demande. Je sais pas. Je me suis pas trop posé la question. En fait, c'était juste parce que j'avais un sentiment que dans les combats, il y avait je mettais 2-3 patates par tour. Puis au bout d'un moment, très vite, je faisais le combat s'arrête parce qu'effectivement, vous l'avez touché plusieurs fois, il vous a touché un peu. J'avais envie quand même qu'ils s'en prennent un peu dans les dents. C'est important, sinon ils ont l'impression d'avoir la victoire obtenue à l'arraché. D'accord. Du coup, je trouve ça important que les adversaires, les boss, puissent agir un peu autrement. Typiquement que c'est pas un argument d'attaque et l'autre fait je me défends. C'est les deux s'attaquent et là, il y a un vainqueur. Là je pense aussi qu'une bonne réponse c'est le truc dont je te parlais tout à l'heure avec les différents niveaux. Parce que du coup ouais. Au début ils arrivent à lui mettre des patates, alors ils sont contents, et puis à un moment donné il sort son épée, maintenant ça commence, c'est ça. Et puis là bam, t'es le niveau du... Et là du coup ils s'en prennent plein la gueule, je pense qu'ils morflent bien. Et je suis en train de me dire qu'en fait si le maître héritant joue avec son épée séparée et que les deux passent, il fait deux fois plus de dégâts aussi. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Par contre, il est moins sûr de passer la défense ennemie. Ça dépend qui il frappe. Ouais. Ouais, quand même. Enfin. Ouais, je sais plus. J'ai plus les scores en tête. C'est complexe. En tout cas. Mais c'est des questions sur lesquelles on vous invite à réfléchir parce que c'est pas si immédiat que ça et. Non. Non. Non. Et ça peut permettre d'enrichir les combats, de les rendre plus différents. Mais c'est vrai que moi, j'avais pensé avant tout au système de résolution dans le truc Minecraft, c'est-à-dire le crafting. Oui, les zones, tu crées tes pouvoirs, tes objets, c'est ça que j'avais vu avant. On va pouvoir passer au duel de l'arme. Ouais. Et puis ça va nous faire une transition magnifique vers l'acide également. Ouais. Donc, on commence par l'acide pour le duel de l'arme. Duel de l'arme, comme vous voulez. Reste sur le conflit. On reste sur le conflit. Le duel de l'arme. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à en faire jouer parce que je me sentais pas à l'aise avec déjà, ouais. Pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai pas de miroir pour les PNJ. J'ai pas le miroir de glace, j'ai pas le miroir des PNJ importants, et j'ai pas le courage d'écrire les 40 liens qu'il faut pour faire glace, et encore il en faudrait plus parce qu'elle a tellement de points qu'il faudrait les liens qui vont avec. Ouais. J'ai pas le courage de le faire. Donc j'ai pas le courage de faire un duel de l'arme, parce qu'il me faudrait tout inventer à la volée, que du coup j'aurais aucune base, les joueurs auraient l'impression que j'invente, et enfin voilà, ils le verraient, j'invente, et du coup ils se diraient, bon, ce duel de l'arme, le MJ essaye d'arriver quelque part. C'est ce qui s'est passé, j'en ai fait un. Les golems ont compris que j'essayais d'arriver quelque part, j'essayais de le pousser à utiliser des liens acides dans le duel de l'arme. Et du coup, je passais mon temps à mettre des liens d'eau à 10, des liens de machin à beaucoup. Et donc le duel de l'arme avait cette sensation que enfin, c'était un piège sans fin, parce que le boss, on ne sait pas combien il en a. Et du coup, que ça peut durer trop longtemps. Il y avait cette sensation de blocage complet. D'accord. Alors là, encore une fois, c'est de ma faute, parce que je n'ai pas assez expliqué le sens du duel de l'arme pour le MJ et pour les joueurs. Alors là, est-ce que tu as fini d'expliquer non, ton problème? Non, il y a d'autres problématiques. Ouais. Autre problématique, en termes de gameplay, c'est que le duel de l'arme, c'est un joueur contre un personnage et que les autres se font chier pendant ce temps-là. Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Et si on regarde tout bêtement, hein, un golem qui a une vingtaine de liens faciles, un adversaire qui a un nombre de liens illimité parce que je les invente à la volée et qu'il est censé avoir des scores de malade, ça fait qu'il faut au minimum 20 échanges de paroles avant que le golem soit à bout de liens. D'accord. 20 échanges de paroles. À chaque fois, on a une ou deux minutes chacun pour décrire notre larme, puis décrire ce qu'on fait sur l'arme de l'autre. Ça fait 40 minutes pour un duel de larme long. Long, hein, je vais être généreux, c'est un duel de larme long. Ouais. Il y a un joueur, un adversaire, les autres joueurs se font chier comme des rats morts. Enfin, même si c'est intéressant au début, même s'il y a de l'enjeu, au bout d'un moment, juste tu décroches. Non, même moi, en tant qu'AMJ, au bout de 40 minutes de duel de l'arme, j'en ai oui, marre. Oui, c'est ça, ouais. Au bout d'un moment, tu veux plier le truc. En plus, les golems ont des liens élevés, les adversaires ont des liens élevés, du coup, ils se blessent rarement, ils se font un petit point ou deux. L'adversaire va utiliser des points acides de temps en temps pour reprendre la parole, mais... Mais il y a cette sensation que ce combat, il est triché. Ah ouais. Non, mais il est complètement biaisé. C'est pas du tout ce que je voulais, en fait, avec le duel de l'arme. Pour moi, le duel de l'arme, c'est pas un combat, en fait. Enfin, c'est juste... égorger l'adversaire au sol. Non, pour moi, c'est juste l'occasion de présenter d'abord la position du MJ joueur. C'est-à-dire, il y en a un qui est en position haute de raconter son histoire et l'autre qui voyage à l'intérieur de sa larme, ce qui a un parallèle avec Sens. Donc, ça a une place dans les révélations et tout du jeu. Premier point. Et deuxième point, pour moi, c'est une occasion de raconter l'histoire d'un méchant. Tu sais, dans Saint-Célia, il y a toujours ce moment où le méchant, il raconte son histoire. Sur ce plan-là, ça marche bien. C'est ça que je voulais. Mais... uniquement ça. Ouais. Et si j'ose dire, quand le méchant racontait son histoire, moi, à chaque fois, en tant qu'OMJ, le duel de l'arme s'arrêtait là. Ouais. Pour moi, en fait, le duel de l'arme, c'est pour le grand méchant, donc souvent un Outrimar. J'avais jamais de duel de l'arme avec des maîtres héritants, sauf si ceux-ci avaient une grande importance, on va dire, dans l'histoire. Disons, mes duels de l'arme, pour les dire, Glace et Mars. Voilà. Voilà, deux. C'est ce que le jeu prévoit, pas plus. Je sais plus, enfin, peu importe. Le jeu dit, dans la base, c'est écrit plus de deux duels de l'arme par campagne de Sens Néant. Ouais. De toute façon, ça semble un nombre net. Quoi. Voilà. Comme ça qu'il écrit. Pour moi, on s'arrêtait. Et du coup, si je me permets de continuer. Je t'en prie, Adrien, vas-y. À propos donc, du fait que ce soit un contre un, moi, la solution que j'ai fait très vite, c'est que le duel de l'arme suivant, ça a été tous les golems ensemble. Contre le boss. Et pourquoi pas, puisque. Alors, pourquoi. Et du coup, à chaque fois, c'était un golem présentait un lien. Oui. L'adversaire le détruisait, l'affrontait ou autre. Ensuite, c'était l'adversaire qui présentait un lien. Enfin, s'il avait gagné. Oui, d'accord, hein, ça faisait ping-pong. Non, pas forcément ping-pong. On respecte les règles. C'est-à-dire que tant qu'on gagne, on garde la parole. Oui. Et. Tant qu'on gagne, on garde la parole. Sauf que quand c'est l'adversaire, enfin le PNJ qui présente son truc, c'est n'importe lequel des golems qui peut venir présenter un lien. D'accord. L'intérêt, c'est que du coup, ils ont un pool vachement plus élevé de liens importants pour récupérer la parole. D'accord. Et surtout, ça leur permet à chacun d'avoir le temps de parole. D'accord. Par contre, ce que je leur avais dit, donc tous ceux qui veulent participer, participent. En revanche, tous les points de négation que subiront des gens, tout le monde les subit. Ouh. Eh ben oui. Petit coquin. Eh ouais, oui. En fait, si tu regardes, ils ont vachement plus de liens à 10 entre eux tous. Ouais. Du coup, ils auront vachement plus de moyens d'empêcher de perdre des blessures. Ça reste, ça reste très honnête. Oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. C'est une manière de compenser. En pratique, dans ce second duel de larmes, le joueur qui avait déjà subi le premier et qui avait pris super cher a refusé de venir parce qu'il n'avait pas envie de se retrouver à Walp. Ouais. Ok. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose que je vous conseille vivement de faire. Hein. C'est beaucoup plus vivant. En mode, à écouter... Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y, continue. À écouter toutes tes critiques, Adrien, il y a un truc qui revient toujours, je trouve, et qui est probablement dû à une des lacunes de ma base, c'est que tu joues vraiment le système de résolution comme un système mathématique, technique, tu vois. Alors qu'en fait, pour moi, le système de résolution, il n'est là que pour accompagner la narration. Oui, alors oui. Et mais que sauf... pour accompagner le système de jeu. Ce qui compte, c'est le système de jeu, tu vois. Et le système de résolution, sauf c'est... Sauf que, comme tu le dis tout le temps, le système... et l'univers et tout marche ensemble. Je suis d'accord. Il faut que le système de résolution soit cohérent avec ce que tu fais en faire. En fait, pour moi, le défaut, c'est que tu as voulu mettre des points de rayonnement là où il aurait juste parlé de phase de combat. Alors, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu as voulu chiffrer des trucs que tu n'aurais pas dû chiffrer. Ouais, je suis d'accord, vraiment d'accord avec toi. C'est vrai. C'est juste. C'est toi qui as mis les maths. Hein. Oui, moi, je les applique juste, parce que tu les as mis. C'est juste. Parce que je voulais un système physique qui fonctionne, qui soit crédible du point de vue, qui soit cohérent. En parallèle à un système narratif qui le soit également, un système de jeu qui englobe le tout, tu vois. Je voulais je vois l'idée. Ouais. Je voulais qu'un mec puisse prendre le système physique et en déduire le système narratif et inversement, que le narratif puisse déduire le physique. Mais en fait, et j'ai peut-être poussé un peu trop loin ce truc-là. Si je prends l'exemple jusqu'à par exemple, de l'agence, dans l'agence, il y a des choses dont j'ai pas mis de système de résolution parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Le système de résolution. Voilà, alors que moi, je l'ai fait. Alors que toi, tu l'as fait. Exactement. Et pourquoi ? Parce que je voulais une physique totale. Et ça, c'est mon problème. C'est mon côté kantien, ça. Il faut, à chaque fois que je fais un jeu, il faut qu'on puisse faire, comment dire, qu'il y ait un côté, je sais pas comment dire, ah, c'est très intéressant. Ah, ça appellerait presque un autre podcast, ça. Sur physique. Ouais, à voir. Sur la physique des jeux, des sens, en fait. La physique des sens. Parce que tous les sens ont une physique bien différente, qui est travaillée en fait, et vraiment très cohérente de bout en bout. Mais si on exploite cette physique ça fait trop. Voilà, c'est ça. Et dans Mort, c'est le cas aussi. Et le truc, c'est qu'on sent que la physique est. Enfin, je sais pas comment dire. Si on fait la physique, si on pousse la physique vraiment jusqu'au bout, ok, elle tourne, mais elle est longue et chiante pour la narration. Ouais. Mais le fait qu'il y ait une physique qui soit cohérente comme ça. Pour moi, c'est important. Après, c'est une question. C'est dommage qu'il métaphysique, en fait. C'est dommage que t'aies mis plein de rouages pour qu'en fait t'aies juste à tirer sur une corde pour que ça marche, en fait. Et que les rouages, juste, ils sont là pour faire joli. C'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai mis plein de rouages qui actionnent plein de leviers. Si on cherche à actionner uniquement les leviers, en fait, on a juste à faire une machine sur laquelle il y a des systèmes de leviers partout. Alors qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on passe de la narration au système de leviers. Et qu'on se dise, en fait, si tu veux, on interrompt le système de leviers par de la narration. On dit, donc là, on actionne les leviers pendant une partie du combat. Puis, on narre. Puis, quand on reprend les leviers, on peut s'imaginer l'ensemble des leviers qui ont été bougés durant la narration. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, c'est vachement compliqué. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que ce que tu proposes dans ta base, c'est ce système compliqué. Mais oui, c'est ça. En fait, il aurait fallu que Classis raye un passage en disant « Bon, tout ça, c'est bien sympa. Voilà. Vous l'avez sous les yeux si vous le voulez, mais moi, je le résoudrai comme ça. » Ou peut-être comme ça. Voilà, tu mets deux, trois propositions. Mais tu trouves, ça se sent un peu quand même, non ? Mais vous trouvez pas que ça se sent un peu dans le livre que c'est ça qu'il faut ? Ben non, c'est ce qu'on fait parce que. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Ben moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Il y a quand même le coup du combat bloqué que vient de nous citer Darky, le coup de la boîte de dialogue bloquée où Classis dit bon, allez, on résout tout. Il y a quand même un côté, je sais pas comment dire, il y a quand même un côté ellipse en fait. Il y a des moments où, si c'est chiant pour les, si la mécanique de résolution est chiante pour les joueurs, Classis nous narre tout ça et puis hop, on passe directement à ce qui est intéressant. Il y a un côté comme ça quand même dans Sens Néant. Oui, mais le côté c'est chiant donc j'occulte ça, cette sensation de victoire ou de défaite donnée ou imposée. Ça, ouais. Voilà, moi je reviens là-dessus à nouveau. On est d'accord que c'est le système de résolution dont on parle là. Hein. Oui. Parce que le système de jeu. Oui, le système de jeu, on va pas en parler parce que ça tourne. Voilà, pas de d'accord. Problème. Alors, je suis venu pour défoncer les problèmes de ton jeu. Hein. C'est vrai que. C'est ça. N'hésiterai pas à te défoncer quand victoire, défaite trop facile ou imposée. C'est vrai que mes joueurs, je pense qu'ils le ressentent. Ah, clairement. Mais en fait, ils s'en foutent. Enfin, j'ai des joueurs vraiment pas du tout difficiles avec l'illusionnisme. Ils sont complètement victimes volontaires. En fait, l'illusion, c'est triste, ça fait. Non, mais dans le sens, je trouve que l'illusion. Ils adorent ça. Mais vous trouvez pas que dans le sens, c'est pas un jeu. En fait, c'est parce que pas un jeu illusionniste. Non, c'est pas un jeu illusionniste. Parce qu'illusionniste, il faudrait pas que les joueurs soient au courant que tu leur caches des choses. Oui. Moi il me semble que les joueurs. C'est passionniste, je crois. Moi, il me semble que les joueurs. Oui, peut-être. Ou les joueurs sont au courant que c'est illusionniste. J'ai déjà lu quelqu'un qui avait utilisé ce mot-là pour décrire ça. Mais il me semble que les joueurs, ils savent que de toute façon, ils vont réussir, mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir le prochain épisode. En fait, ils savent qu'il y a des combats qu'ils vont gagner ou perdre, que c'est imposé, mais il y a des combats où c'est pas le cas. Il y a des situations où c'est pas le cas, dans le sens néant, il y a plein de situations où c'est pas le cas, dans plein de scénarios, c'est pas le cas de est-ce qu'ils vont réussir à sauver tel ou tel PNJ secondaire. Adrien. Et c'est dommage que par raccourci de gestion de la scène, parce que les règles sont trop longues, il faille couper court. Et trancher comme ça en faveur d'un camp ou de l'autre. Je ne sais pas pourquoi je tiens à... Et ça, c'est un truc que je ne corrigerai pas, mais et pourtant, je vois l'erreur. Enfin, mais je ne sais pas, je tiens à ce qu'il y ait une physique cohérente. Comme si je tenais à ce qu'on puisse en faire un jeu vidéo. Alors que ce ne sera jamais un jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire. Mais... Sans néant, jeu vidéo. Mais c'est juste impossible. Non, ce serait chiant. Sans néant, le mieux qu'on puisse faire, c'est en prenant des substances hallucinogènes. Ouais, je pense. Crois, ouais. Non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je tenais à ce qu'il y ait une physique cohérente. Oui, tout à fait. Et oui. Même si elle n'est pas toujours invoquée, même si elle n'est pas toujours utilisée, mais c'est pas pourquoi. C'est important pour moi, tu vois. Non, mais si, ça a une importance dans ce sens. Mais, à nouveau, c'est. Je pense que c'est plus une question de maladresse. Ça aurait pu rester une physique cohérente, ouais. Mais en prenant du souci de raccourcir ces éléments, de permettre des raccourcis. Tu vois, c'est là qu'il aurait fallu que le système de jeu soit plus, comment dire, plus clair sur le système de résolution en disant quand l'invoquer quand ne pas l'invoquer. Ouais. Parce que typiquement, là, les problèmes que tu rencontres, Adrien, et là, je crois qu'on a vraiment, là, on a fait le tour de la question en disant ça. Les problèmes que tu rencontres, Adrien, c'est finalement quand. Quand utiliser ce système de résolution qui certes a l'air d'englober tout l'univers, mais oui, mais quand on l'utilise? Parce que si on l'utilise tout le temps, les joueurs se font chier. Si on ne l'utilise jamais ou pas, les joueurs ont l'impression qu'ils servent à rien. Et donc du coup, c'est tout un jeu subtil de quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Sauf que pour moi, le fait de quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas, ça fait partie du système. Mais je suis d'accord. Et j'aurais dû être plus clair là-dessus. Ouais. Et c'est essentiel, qu'en fait, si on ne respecte pas, si c'est le MJ qui décide de quand on l'utilise ou pas, c'est le MJ qui a tous les pouvoirs. Oui, mais justement, alors Adrien, juste un truc, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas dit? Quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas? Parce que c'est pas clair qui contrôle la partie sans néant. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est à cause de ce putain d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le côté, si on dit clairement quand est-ce que le système de résolution est invoqué et quand est-ce que c'est de la narration, on perd un peu cette dimension, je trouve, du jeu. Et c'est vachement compliqué. Ouais. De toute façon, sans néant, c'est une bouilloire réglée. D'accord, C'est vraiment une... Bon, après, de toute façon, il y a autre chose sur lequel il faut mettre le point. Hein, même s'il y a des combats dits héroïques, c'est pas un jeu de héros. C'est pas sans renaissance en fait. Ouais. Et du coup, c'est. On y reviendra peut-être dans d'autres podcasts. Mais voilà, c'est quand même une nuance. Il y a ces défauts, mais c'est pas des défauts extrêmes parce que le jeu ne tourne pas autour de ça. Par exemple, dans Donjons et Dragons, s'il y avait ce genre de problème, ça serait chiant parce que Donjons et Dragons, le cœur, c'est ces combats équilibrés, ces machins. Ça serait chiant. C'est vrai qu'on commence la saison de la cellule. Le premier podcast sur Sens, c'est déjà un podcast sur les défauts de Sens Néant. Mais bon, voilà, le jeu a d'autres qualités. Enfin, je crois que vous l'avez apprécié. Moi, je l'ai adoré. Parce que je vais encore recevoir des mails de gars qui me disent si tu comptes faire de la pub avec tes jeux, tes podcasts où vous défoncez toujours Sens. Mais enfin, voilà, on parle vraiment, on est pointilleux. On va remonter, c'est qu'en disant que s'il y a eu autant de podcasts sur Sens, c'est pas que parce que c'est un jeu de merde, c'est parce que c'est un jeu qui pose plein de questions. Il y a des défauts, mais ça forcément. Mmh. Et si on est encore là, c'est parce que on sait qu'il y a quelque chose dans ce jeu. Sinon, et vous serez encore là toute la saison, à n'en pas douter. Ça aurait fait une belle phrase de conclusion, mais on doit d'abord traiter les problèmes de. Tu pourras la couper et la déplacer. Non, mais en plus, je sais pas s'il y a grand chose. Jérôme. L'acide. T'as posé un problème. Alors, tout à l'heure, par exemple, tu as dit opposer un lien acide. Par exemple. Le fameux problème de l'eau et de l'acide, la proximité entre la passivité. Pour moi, il n'y a pas de proximité, ça c'est toi qui la vois. À quelle valeur ça gagne toujours l'acide? Bah, il me semble que c'est président à Basque, ça gagne toujours. Ouais, hein. D'accord. C'est le truc, c'est le point de cellulite, en fait, soyons clairs. Ouais. C'est le point de cellulite. D'accord. Ouais. Et bah, après, moi, bon, on en est à, je sais pas, 4 ou 5 parties dans Néant, ouais, un truc comme ça, 5 parties. Donc on avance, mais bon, je fais plein de petits interscénars pour m'habituer moi aussi à l'univers et aux règles, parce que c'est pas évident. On va pas arriver à la fin trop vite. D'accord. Oui, il faut prendre son temps. Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai vraiment fait des petits scénars, tout ça. Et puis l'alarme de Cassis aussi, il faut explorer ça. Mais c'est le coup de... On lit les règles que Cassis est censé lire au bug. Ouais. Et là, on arrive à la partie sur l'acide, et là, on nous dit, hop, hop, hop, ça, par contre, tu leur dis pas, ils se débrouillent. Alors ça, mes joueurs, ça les fait beaucoup réfléchir. Ils aiment beaucoup hein, ce côté, ah tiens, il y a des règles qu'on peut utiliser, mais juste, on nous les a pas dit. Ils ont fait l'épreuve de testament de cet enfant. Oui, ils l'ont fait. Ouais. Alors, tu sais pourquoi ? Du coup, théoriquement, ils savent quelques éléments. Pourquoi j'ai fait ça ? Et je crois que c'est expliqué dans la base aussi. C'est que, en fait, les gens de l'acide étant des corrupteurs, je voulais qu'ils puissent proposer au PJ, tu vois, de découvrir ses pouvoirs en jeu. Un petit peu comme, tu sais, quand dans les jeux vidéo, encore une fois, tu rencontres un PNJ, puis il te donne un tutoriel pour utiliser une nouvelle technique. Un petit peu comme dans Sens Mort, quand je dis c'est le renard qui apprendra au bug à utiliser leur lien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Il y a le côté, en fait, le PNJ peut dire, bah, tiens, viens de mon côté et je t'apprendrai, par exemple, à utiliser telle technique qui te permettra. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est qu'en roleplay, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau de, en racontant au niveau de fictif ce qui se passait avec le gars de l'acide, je disais, je te fais un entraînement acide, donc je lui racontais des trucs, je lui disais, bah voilà, tu pourras nier ton ennemi, machin et tout, ça, c'est la narration. Et puis à la fin, Classis disait, bon, bah, tu débloques un nouveau pouvoir qui est, tu peux utiliser un point d'acide pour nier l'ennemi. Enfin, tu peux gagner un point d'acide pour nier l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. T'as le narratif, et puis à un moment donné, Classis dit, bah voilà, techniquement, c'est comme ça que tu le fais. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, je voulais que les. Pourquoi est-ce que j'ai caché ça ? Parce que je voulais que les MJ puissent donner l'occasion aux gens acides de développer des nouveaux pouvoirs chez les joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu comme les. Et puis aussi, ce qui est occulté aux joueurs. Mascard dans Interlock. Hein. Le fait que tu leur caches, que tu leur dises il y a quelque chose là, bon sur l'acide je le dis pas. Forcément les gens ont envie de savoir. C'est pareil avec les. De rétention, voilà. De rétention fascination. Bah, absolument, hein. c'est pareil avec les. Pourquoi est-ce que les sites dans Star Wars sont si fascinants ? C'est parce qu'on sait rien sur eux en fait dans les films, dans les films. Et c'est pour ça parce qu'on sait pas trop comment ils font, machin. Donc on en est à faire des suppositions et c'est aussi ça qui fait le truc de Star Wars, c'est que c'est quoi la Force obscure ? Du coup une petite question, t'as fait combien de scénarios ? 4-5 tu dis ? Ouais, un truc comme ça. Et ils ont déjà utilisé des liens acides ou pas ? Non. Non, pas encore. C'est normal, hein. Ils font un moment avant de doser. Il y en a un qui, je pense, qui va pas tarder parce qu'il s'est fait un cetantra de lumière qui a une arme d'ombre. Et, enfin, il a quasiment autant en ombre qu'en lumière, ce qui fait qu'il peut avoir une masse de points acides. Il peut en avoir 20 sans risquer l'anéantissement, en fait. Alors fais attention, c'est que ça leur ronge des liens, hein, du coup. Après, ils se débrouillent. Hein. Non, ouais, alors après, tu verras qu'il y a aussi une question de comment les joueurs ressentent l'acide. C'est-à-dire que moi, il y a un joueur, par exemple, dans le premier duel de l'arme, il refusait d'utiliser des liens acides alors que je voulais le pousser à en utiliser au moins, tu vois, histoire qu'il se tâche un petit peu, de commencer à les. Et bah, il l'a refusé, je crois qu'il a fini, je sais plus s'il a fini par le faire, je sais plus. Mais en tout cas, il l'a refusé pendant super longtemps, il voulait pas, il voulait non, mais c'est hors de question, j'ai pas envie, c'était vraiment la bête noire. À côté de ça, je crois que, je sais plus si c'est le même ou plus tard ou en fin de campagne, qui tout d'un coup se dit non, mais en fait, plus de pitié quoi. Je ressens rien pour les maîtres irritants. j'ai eu celui-là. Et celui-là, non, c'est pas le même joueur, c'en est un autre. Et tu vois, ce non-lien, là, ça devient vraiment le moment où ils font l'acide sien, ils se disent voilà, maintenant. Voilà. Ouais. Il faut l'utiliser. Après tout. Mais c'est vraiment un truc qui se débloque tout d'un coup. Ça vient un tout petit peu au début, tu vois, un tout petit peu, ils sont obligés. La première fois où, en faisant une lecture sentimentale, ils voient qu'il y a un truc qui est caché, ils vont faire on va la regarder. Non, si vous allez regarder, c'est de l'acide. Bon, j'y vais moi. je viens aussi. Ah bah, si tu vas, c'est aussi de l'acide. Mais si j'y vais pas, bah, si tu vas pas, il y a lui qui y va, tu vas entendre. Par contre, ton personnage sera pas au courant. Ouais, c'est pas grave, il va comme ça, j'entendrai au moins. Et du coup, t'en as un qui va, il se fera un acide. Les autres l'ont pas pris, mais la fois d'après, c'est un autre qui va. Et du coup, tu vois, ça vient au fur et à mesure. C'est insidieux. Il faut que ce soit de toute façon insidieux. Ouais, c'est ça. C'est le but. Et donc, du coup, quel était le problème que tu avais rencontré ? C'est que les gens ne les utilisent pas, Non, oui, voilà, bah, c'est juste le côté un peu... Bah, là, déjà, vous venez déjà de me donner quelques pistes, mais le côté... Quand leur donner des pistes vers l'utilisation... Très vite, tu verras la fascination. Quand ils ont... Parce que je pense que tu n'as pas joué assez, tu n'as pas fait le scénario fatidique qui fait que d'un coup, les joueurs Faisant une bête noire... Faisant un truc que tout le monde leur dit que c'est honteux, que c'est machin. Enfin, classique, de l'inciter dessus, l'acide était une honte chez les Sétentras. Ouais, puis. Quelque chose dont ils refusaient de parler. Je pense qu'à partir du moment où tu rencontres les premiers méchants de l'acide, aussi. Tout de suite. Non, mais bien sûr. En fait, il faut en faire un grand méchant, comme ça, ils vont pas oser. Puis en même temps, il faut les tenter en mettant, mettons, un adversaire. Enfin, en mettant une situation. Le classique, hein, c'est un personnage qui s'est fait manipuler par un personnage masqué d'acide, et ils vont vouloir lire le sentiment, et s'ils le font, ils doivent se tacher d'acide. Il y a un moment, ils vont vouloir le faire, parce que ça suffit, quoi. Et puis ils vont voir un truc qui ne va rien leur apprendre, quasiment. Et il y a un gars masqué qui leur dit « va tuer, machin », et puis il fait « oui, j'y vais ». Et là, du coup, ils ont appris ça, ils vont « ok, il y a un gars masqué qui l'a fait, voilà ». Du coup, ils ont pris une tache acide. Plus tard, mets-leur un combat qui est vachement chaud, et peut-être qu'ils vont oser mettre... D'accord, alors pour la tache acide, alors je ne sais pas si c'est dans la base, moi je l'ai fait comme ça. Ils ont déjà brisé des acides. Ouais. Et je sais plus si. Ah oui, des acides, il y a deux solutions. Ouais, il y a deux solutions. Et moi, je leur ai proposé, je leur ai dit, oui, c'est possible que ça te. Ouais, voilà, tu as deux choix. C'est pas possible. Il faut leur dire, tu as le choix. Tu as le choix. Soit tu prends une tache acide, soit c'est une merde que je vous mets dans les dents plus tard. Enfin, notre acide. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Et en pratique, de toute façon, ils ont tout le temps dit oui, moi. Ils ont tout le temps accepté la blessure. Ouais, mais ils sont friands en fait. Non, c'est pas qu'ils sont friands d'acide. Enfin, alors moi, les joueurs qui ont refusé, c'était on veut pas d'autres adversaires. On a déjà suffisamment de problèmes avec le nombre d'adversaires qu'on a. Et puis, t'imagines balancer ça sur le monde. On sait pas où ça va arriver. Il y avait une valeur morale. Alors pas tous, mais certains l'ont eu. C'est exactement ce que je voulais soulever comme question. Ah, c'est-à-dire que ça, c'est l'aspect que j'ai zappé. L'acide, si tu veux, Jérôme, on peut pas s'en débarrasser. C'est un petit peu comme un truc qui est pollué du point de vue du atomique, quoi. C'est le truc du nucléaire, quoi. Une maladie vénérienne. Ben, je sais pas. je connais pas ce registre de maladie, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu dois soit accepter pour toi. Tu dis bon bah le monde ne souffrira plus. Je le prends pour moi, mais du coup c'est toi qui souffres. Soit tu décides de façon un peu égoïste en fait de dire bah moi je m'en fous que le monde se démerde. YOLO. Ben, oui c'est ça. Et c'est ça en fait l'enjeu. C'est le truc moral quand tu brises un acide, il est là. C'est est-ce que je prends la souffrance pour moi? Et donc le monde est sauvé. Ou est-ce que je laisse dans le monde l'acide, auquel cas je réagis avec égoïsme. D'accord. Et je te rappelle que le combat tout du jeu et du monde, c'est un des points clés quand même de sens. Oui, oui, et donc on retrouve là des questions morales liées à cette relation ambiguë en fait que tu entretiens avec le monde. Est-ce que tu laisses le truc de la pollution finalement quoi. Est-ce que tu... D'accord, ouais, non, mais je sais pas comment... Après, enfin... Dans cette image de la pollution, je pense que mes joueurs considèrent que tout Myriad est pollué en fait. Depuis la révélation du testament, pour eux, c'est clair et net. Myriad est entièrement constitué de mentaux. C'est pas vrai, il reste plein de belles choses. Non, mais à eux, protéger. Ils le voient comme ça. Ouais, mais c'est dommage en fait. Bah oui, ça, je dis pas le contraire. Il reste plein de belles choses à protéger. Plein. C'est la table qui était entièrement fan de Finn Longfinger. D'accord. Table de mort. Ouais, c'est que des bouts. Hein, bon, on a fait le tour, je pense, de ces questions. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai rien de plus qui me vienne en tête. Je pense que peut-être au cours des podcasts de cette année, il y a des choses qui vous reviendront entre temps. Je sais pas. On verra bien. Mais déjà, on a bien débroussaillé. Si d'ici là, en finissant de néant avec mon autre table, on avance, vraiment, je pense que, encore une fois, si on résume le problème de Jérôme avec l'acide, à savoir quand est-ce qu'on vraiment s'en sert, si on résume les problèmes de toi, les conflits de rayonnement, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, si on prend les duels de larmes, à quoi il sert, à nouveau, on retombe toujours sur ce fameux lien entre le système de résolution et le système de jeu. À mon avis, j'ai pas assez insisté sur le quand est-ce qu'on utilise le système de résolution et quand est-ce qu'on l'utilise pas et quand est-ce qu'on l'arrête. Et donc, bon, voilà. Je pense que ça, c'est pas une critique générale qu'on peut faire à Sens en général. Oui, pour beaucoup. Je crois que c'est un défaut de moi en tant que créateur de jeu. Je crois. Et c'est vrai que quand on arrive dans Néant, en fait, ça se ressent moins dans. Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y, continue. On arrive au chapitre le système de sens et c'est. On se dit ah tiens enfin c'est pratique on l'a enfin au troisième tome Ceci dit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà tout seul. Mais Et là, on arrive au système de sens néant et on se dit, mais en fait, dans Sens Cosmo, il y aura le système du système de sens néant ou quelque chose comme ça. Parce que... En fait, dans Cosmo, on va garder une bonne partie des règles que Classis a initiées, en fait. Et d'ailleurs, ça, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est vrai que j'ai du mal à envisager la toute fin de néant. La toute fin. Sans avoir le système de Cosmo. J'ai pas envie de spoiler. Je pense qu'on en parlera. Je pense qu'on peut l'aborder. Maintenant. On dit balise de spoiler. Spoiler. Spoil. C'est pour les MJ qui ont pas encore lu. Est-ce qu'on ferait pas un autre podcast dans plus longtemps? C'est vrai que c'est une parenthèse parce que. Parce que moi je pense que. Bon d'accord. Ça en fait le. Est-ce qu'il y aurait pas aussi un intérêt parce que. En fait le moment où les bugs vont commencer à devoir à gagner des trucs. C'est peu expliqué, du coup, MJ, c'est difficile à gérer. Si on est rassemblés aussi aujourd'hui, on peut le dire à nos auditeurs, c'est parce qu'on va appeler tester Sens Cosmo. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'en parler, À ce moment-là, ouais. Voilà, après qu'on ait playtesté. Ok. Ouais, effectivement. Voilà. Ouais. Comme ça, tout le monde en parle. Voilà, c'est ça. Je pense. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, c'est toujours ce problème entre le système de résolution et le système de règles. Ouais. D'accord. Ouais, et en fait, c'est un truc de création. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est un truc de moi. C'est un défaut qui est global. Et si tu prends par exemple dans le Val, qui est un autre jeu pareil, c'est pareil. T'as un système de résolution qui est assez clair. Et le Val narratif, par exemple, c'est pas toujours clair. Quand est-ce qu'on. C'est un de mes problèmes. Moi, c'est que je compartimente. Par contre, c'est cohérent. C'est-à-dire que les trucs sont bien cohérents. Mais. Il y a un problème d'interactivité entre les différents trucs. Ouais. En fait, on a l'impression d'avoir des règles de physique, c'est-à-dire des règles pour que le monde tourne, mais qu'on n'a pas des règles pour que ce soit joué de façon intéressante. Moteur de jeu, dit Darky. Qu'est-ce que tu fais comme distinction entre les deux? Viens donc prendre un micro là, pour nous expliquer la différence entre... Dans certains créateurs de jeux conçoivent d'abord un moteur de jeu avec une physique, un moyen de bouger le personnage sympa. Attention à ton micro, Dark. Approche-le bien. Un moyen de bouger le personnage, des interactions avec le décor, etc. Et de là, ils bâtissent un jeu. D'accord. Un gameplay, exactement, avec des règles et puis même peut-être une histoire derrière. Ouais. Et ta conception de la création de sens, quelque part, elle ressemble à ça. Tu vas incorporer des règles, des systèmes de résolution un peu plus complexes que... Que le cadre que tu leur... C'est comme si tu avais dit, chaque personnage aura des points de vie, tel et tel et tel carac, mais je ne sais pas encore trop comment ça va agir, donc je les crée, elles sont là, c'est dans le système de résolution, dans le moteur du jeu. Et ensuite, tu as été faire le gameplay qui est de dire, écoute, quand lui, il a plus que lui, il fait 3 dégâts. Et c'est cette étape-là qui a été un peu moins... Ouais, mais alors là, tu parles de chronologie, moi je suis plus dans l'idée... T'aimes bien laisser une porte ouverte au gameplay émergent, comme dans un jeu vidéo quelque part. En donnant plus de possibilités, un moteur physique, on peut sauter certaines étapes, penser à... Alors oui, il y a des grandes portes ouvertes pour du gameplay émergent, typiquement que faire de l'acide, tout ce qui est vis-à-vis de... Pas l'adoption, quoi, c'est le... L'apprivoisement, merci. Ça permet certaines choses qui ne sont pas expliquées clairement dans le jeu. Donc effectivement, il y a une part de ça. Mais il n'empêche qu'il y a cette part des combats, tu sais, qui sont très mathématiques, comme le veut le jeu, qui en fait, il manque l'étape... il manque quelque chose de gameplay sur, comment occulter une partie de ça pour l'accélérer, pour que le joueur ait une expérience de jeu optimale. C'est ça. Il y a ce petit détail-là, Parce qu'en fait, en pratique, je pense que c'est le problème de beaucoup de jeux de rôle, et pas que le tien, c'est qu'on a un super système, le MJ le joue à sa façon, et le créateur du jeu surtout, parce que lui, il en avait une idée très particulière quand il a créé, il a écrit son système, mais il n'a pas écrit tous les trucs qu'il utilisait pour faire jouer son jeu. Et ça, c'est un truc toi-même, tu défends comme idée. C'est pour ça que j'ai fait le podcast de la cellule. Je pense que tu as toi-même ce défaut, en fait, au final. Non, mais c'est clair. Même si ça peut être volontaire pour laisser le MJ et donc le lecteur du bouquin un peu la sensation d'être dépossédé. Il ne sait pas tout lui-même. Oui. Je sais pas, honnêtement, on sait. Tu sais, Adrien, quand on écrit un jeu, un jeu aussi grand que Sens, j'entends évidemment pas par la taille morale, j'entends par la taille le nombre de pages, de signes et d'écriture, trucs, voilà, c'est ça. c'est vachement difficile. Ah oui, non, mais clairement, c'est, non, mais c'est pas un blâme. Mais c'est pas en une... fait, je me retrouve assez bien dans les distinctions que fait Darky sur le... C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a un moteur physique dans Sens Néant. Ouais. Mais ce que je disais quand je disais que tu avais une physique dans ton jeu, ouais. C'est ça. Mais, et qu'en fait, ce qui manque finalement, c'est quand est-ce que... quand est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on... En fait, c'est que tu as le moteur, tu as les graphismes, mais tu as une interface entre les deux qui n'est pas forcément super élégante. Enfin... Mais l'avantage, c'est que ça se patch par des podcasts. Et donc, à partir de maintenant, vous jouez à Sens Néant 1.0. Voilà. 1.1, attends, le 1.0 quand même. Je crois que c'est quand même une super conclusion. Donc, vous pouvez le télécharger sur iTunes ou sur le site de la cellule. Téléchargez votre patch. L'installation est un peu longue, ça vous prend combien ? Une heure combien là ? Là, je sais pas, parce que comme on a fait une petite coupure à un moment donné, je pense qu'on est à 1h30, 1h20. Voilà, donc 1h30 d'installation. Bon, après, il vous faut le temps de l'apprivoiser, de vous refaire au système. Vous en sortirez. Merci Adrien d'avoir joué déjà le jeu jusqu'au bout alors qu'il vient de sortir. Franchement, il est très récent. T'as gazé comme un ouf, sans déconner. Bah, en fait, j'avais commencé avec de l'avance. T'es sorti en mars, on est en septembre, t'as fini le jeu, quoi. Ouais, mais vu que je l'avais relu, j'avais le début du jeu de Jean-Marc. Donc on va tout savoir. En fait, j'ai commencé en testant, en faisant des scénarios de Sens Papillon, comme je dis, c'est-à-dire des scénarios de Sens Néant où l'histoire n'est pas encore là. Il y a un incendie qui a ravagé le truc voisin, il fallait l'aider, puis ensuite il y a un maître irritant qui laisse son arme, il faut aller la donner au suivant. Ouais, donc ils vont se promener, voilà, ils visitent Myriade. Et puis à un moment donné, t'as lancé l'histoire. Et puis à un moment, quand j'ai eu les bouquins, quand j'ai eu la version finale, j'ai fait, maintenant on passe à l'histoire, et puis du coup, ouais. Enfin, merci en tout cas, Adrien, d'avoir soulevé toutes ces questions qui, je pense, vraiment intéressent les auditeurs et puis les lecteurs de Sens, qui... Probablement déjà on au pire ils vont l'écouter juste pour écouter le clash. Non mais moi ce que j'espère c'est que ça donne pas une mauvaise image du jeu parce que je pense que malgré ce défaut une fois qu'on l'aura patché comme dirait Darky, c'est ça. Je pense que le jeu il tournera. Puis de toute façon y a pas, pour faire une petite analogie encore avec le jeu vidéo, si les gens sont si fans des jeux Blizzard, c'est qu'ils ont un suivi, qu'ils sont patchés, qu'ils sont mis à jour. Puis je pense aussi que le truc c'est que le jeu de rôle c'est aussi un jeu qui reste toujours à patcher dans la mesure où de toute façon tu le soumets à l'interprétation d'un MJ qui va forcément le patcher et en faire quelque chose. Donc voilà. Merci à Darky pour ses précisions de dernière minute et au cours du podcast. Finalement, tu seras intervenu en guest star comme ça. Et Jérôme d'avoir soulevé tous ces points sur l'acide. Et puis, continue qu'à campagne. J'espère que ça va t'aider un petit peu tout ce qu'on a soulevé. Non, puis ça se passe très bien. Comme je disais, mes joueurs sont plus qu'enthousiastes. Ils adorent ça pour le moment. Jérôme, veulent se recouvrir d'acide. Sens lui doit tout. Puisque, comme d'ailleurs, vous le savez, ces joueurs lui ont envoyé des fleurs aujourd'hui pour lui demander quand est-ce qu'il revenait. Exact, on les a reçus, ils sont dans la boîte. Non, mais enfin, si vraiment il recevait ici des fleurs de la part de tous ces joueurs, ce serait un fleuriste ici. Parce que Jérôme est le record absolu du nombre de tables de Sens. Il a 6 tables de Sens différentes. Ouais. Voilà, donc ça se souligne quand même. Donc voilà, merci à toi Jérôme de faire vivre le jeu comme ça. J'ai hâte que tu me fasses un retour très complet sur Néant. Tu me disais que parfois sur la fin, il y avait des trucs. Moi c'est la fin que j'appréhende et j'ai hâte de voir ça. De toute façon, on fera un podcast sur la fin de Néant. On en parlera. Il en faudra au moins un. Il faudra qu'on parle de Classis aussi un jour. On en parlera. Allez, à bientôt tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à l'enfer.